Et quel sujet en or pour en arriver à un journaliste au front? Le film de Santiago Bertolino, qu'il a réalisé, monté et quoi d'autre, Santiago? Ouais, bonjour Christian. Allô? Oui, ça va. Ouais, tu l'as réalisé, tu l'as monté. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu as fait l'image en bonne Non, je ne l'ai partie? pas monté. Ça a Ah non, tu l'as été, pas monté c'est un film finalement. réalisé avec l'Office national du film. Mais Donc tu n'as même j'avais pas un fait peu de plus montage. de. Non, j'avais un peu plus de moyens. Aucunement. Puis on a travaillé avec Aube Foglia. OK. Puis. C'est ton premier film que tu montes pas toi-même? Hein? Non, les deux derniers, je les ai montés avec une monteuse OK. professionnelle. Toi, Ouais. tu l'avais pas monté non plus, Carré rouge sur fond noir. Non, plus. Ah, OK. Eh bien. Fait que finalement, les réalisateurs indépendants ont beaucoup de tâches, mais ça a l'air qu'il y en a qui s'en sortent d'avoir un peu moins avec les années. Quand on fait des longs métrages comme ça, c'est des. Tu vois, c'est. Moi, je fais du cinéma direct, je filme énormément, donc j'ai comme 250 heures de matériel, des fois. Pour un journaliste au front, j'avais 180 heures de matériel, tourné sur 3 ans dans 15 pays. Une réalité très, très complexe, parce Donc, qu'il on est faut. toujours content d'avoir une monteuse ou un monteur. Ben ouais, c'est comme une deuxième vision. Dans le fond, c'est une personne qui t'aide à scénariser, parce qu'en documentaire, tu fais un premier, une espèce de première ébauche de scénario au début quand tu veux faire financer ton film, puis pour savoir un peu où est-ce que tu t'en vas. Mais moi, je fais des films qui sont ancrés dans la réalité. Donc le scénario après, tu sais, le film que je fais actuellement, je crois au début c'était scénarisé autour, je croyais que ça allait être pas mal tourné seulement en Palestine. Mais finalement, j'ai suivi Jesse pendant 3 ans, puis Jesse s'est mis à vouloir documenter l'ensemble du Moyen-Orient, donc on s'est retrouvé dans à peu près 10 pays. Puis ça, c'était pas prévu d'avance. Ah, Puis c'est clair. avec un monteur, ça c'est une deuxième vision, il t'accompagne dans le film. C'est pas mal un travail d'équipe là Puis pour. arriver à avoir des chimies, parce que t'es quand même quelqu'un qui est habitué de faire beaucoup, beaucoup de choses autour du film, Oui. et t'arrives quand même à avoir une bonne chimie malgré toutes les années d'indépendance où tu faisais à peu près tout C'est vrai que toi-même. pendant 15 ans, je faisais à peu près. Je montais mes films complètement tout seul. Mais oui, on arrive à fonctionner à deux. Je pense pas que c'est un compromis, là. Je trouve que ça. C'est vraiment un échange. C'est deux têtes. Un monteur professionnel va t'aider aussi à trouver le bon rythme. Elle va t'aider aussi. J'avais choisi aussi Opfoglia parce que c'est une monteuse. Elle baignait aussi dans le monde du reportage parce que c'est la fille de Pierre Foglia, l'éditorialiste de La Presse, chroniqueur. Donc, elle connaît bien toute cette réalité médiatique, parce que la réalité de Jesse est assez complexe aussi à suivre. Il faudrait peut-être raconter un peu l'histoire du film Ben oui, autour vas-y. de ça. Mais c'est ça, un journaliste au front, dans le fond. J'ai suivi un journaliste pendant 3 ans, mais un journaliste engagé socialement. Jesse est juif de Toronto, un juif pro-palestinien d'une famille assez de gauche. Puis il fait des reportages très très engagés. Puis j'ai choisi ce personnage-là parce que je me disais, dans la plupart de mes amis, j'ai beaucoup de gens, de journalistes qui voudraient, de jeunes, de personnes qui voudraient devenir journalistes, qui sont journalistes engagés, mais qui n'arrivent pas à vivre professionnellement de ce métier-là. Puis Jesse lui réussissait. Il y avait une plume assez de gauche. Il prend parti pour les Palestiniens. En Égypte, il a écrit des articles aussi très dénonciateurs du système. Il parlait des prisons secrètes d'Al-Sissi. Donc ce gars-là, il me mystifiait. Puis dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que Jesse, dans le fond, c'est un journaliste qui bénéficiait un peu de la crise du journal de la presse écrite. Parce que bon. Avec la crise de la presse écrite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu, bon, il y a beaucoup de journaux qui sont mis, de grands journaux mainstream qui sont tombés en faillite ou qui ont dû aussi réduire leur effectif, dû aussi à l'émergence d'Internet et tout ça. Ce que ça fait, c'est que tout à coup, du jour au lendemain, il y avait de moins en moins de publicités qui voulaient, de compagnies publicitaires qui voulaient vendre dans les journaux de la presse écrite. Et en parallèle, il y a aussi une crise de la confiance des journaux mainstream. dans le sens que de plus en plus, les journaux mainstream appartiennent à des multinationales. Et donc, en parallèle à ça, il s'est développé un journalisme citoyen. Il y a eu l'émergence des sites Internet citoyens. Donc, comme au Québec, on avait le Centre des médias alternatifs au début, dans les années 2000. Puis après, il y a Indie Media. En tout cas, ça a éclaté un peu partout. Puis j'ai l'impression que les journaux mainstream, après, ils ont voulu se renouveler un peu. Puis il y a eu les journaux mainstream. Puis en parallèle, c'est ça, il y a eu des on a voulu comme comment expliquer, c'est que l'industrie s'est adaptée. Donc dans le fond, ils ont créé des sites payants Internet où est-ce qu'on peut. Puis ils sont mis à s'inspirer du journaliste citoyen. Donc c'est devenu un peu une espèce de mode d'avoir des journalistes plus engagés socialement. Puis journalistes, puis j'ai aussi réussi à vivre de ça maintenant, mais ouais, c'est un peu compliqué. Le concept lui-même, le citoyen est devenu une mode. Mais ouais, qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Quel concept? Ben citoyen. Genre journaliste citoyen. Ça veut dire quoi au bout du compte? Ben c'était le journaliste citoyen à la base, c'était dans le fond le simple citoyen, une personne ben comme toi qui est finalement un journaliste bénévole qui prend la parole puis qui s'exprime. Ben pour moi c'est ceux qui donnent la parole. Qui se définit pas comme un citoyen. Ouais, c'est dans le fond c'est pas un journaliste citoyen, c'est un peu un réflexe, mais c'est le journalisme alternatif, le journaliste l'individu qui prend la parole, qui est pas formaté aussi par une école de journalisme non plus. Qui donne la parole aux sans-voix, parce que souvent les journalistes, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les journalistes mainstream, ceux qui gagnent des gros salaires, à un certain moment, ils s'embourgeoisent aussi. Puis ils oublient de donner la parole aux simples citoyens. Le terme que t'aimes pas trop là, mais c'est une bonne question. Comment on garde son indépendance? Puis c'est une question qui est aussi bonne pour ta vision du travail de Jesse Rosenfeld que ton travail toi-même. Comment tu gardes ton indépendance aussi, parce que tu t'es travaillé longtemps comme indépendant, tu vas sûrement retravailler à un moment donné comme indépendant, probablement que tu le fais en parallèle aussi, mais ce film-là, il est sorti dans la boîte qui est l'Office national du film. Ouais. Donc c'est la question, c'est comment ça. On garde son indépendance journalistique? À la fois comme indépendant, dans la précarité, et dans des boîtes de production comme l'ONF? Je crois pas que j'ai perdu. Tu vois, l'Office national du film, j'ai pu faire le film que je voulais finalement. Au début, j'étais peut-être un peu méfiant, mais je soumets mon projet de film, puis les productrices Nathalie Cloutier, Denis McCready, ils ont accepté mon scénario comme il était. C'était écrit que je voulais suivre un journaliste qui prenait position, un journaliste qui essaie de changer les choses, qui essaie de donner le goût aux gens de par eux-mêmes participer à des manifestations, que le simple citoyen change les choses aussi. Puis donc j'ai fait le film que je voulais finalement. Ouais, t'as eu l'appui de l'ONF, mais t'as gardé ton indépendance en même temps, en fait. Ouais, c'est ça. L'ONF a permis de produire beaucoup de films. En ce moment, j'ai une pensée pour Alanis Obomsawin qui vient de gagner le prix Albert Tessier, qui est un prix prestigieux pour les réalisateurs et réalisatrices québécoises. Bon, québécois, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont autres questions. On est sur des territoires occupés. Je l'ai dit tout le temps au début de l'émission, mais je l'ai pas dit. Mais en tout cas, alors on est vraiment content. En fait, je suis vraiment content et je suis sûr que plein de monde ici sont contents que Alanis Obomsawin ait gagné ce prix, qui est aussi... Elle-même a travaillé pendant je ne sais combien d'années à l'ONF. Ouais. Mais pourquoi les gens devraient aller voir ton film? C'est un film que j'ai fait. D'abord, c'est un peu un hommage aussi aux journalistes, parce que c'est un film où je me retrouve sur la ligne de front, comme c'est le titre, avec Jesse. Donc, on se retrouve au Kurdistan irakien, par exemple, à se faire tirer par des snipers de l'État islamique. À un moment donné, j'ai filmé l'armée Peshmerga qui arrive avec des cadavres de combattants de l'État islamique. Justement, il y a une critique aussi de Jesse par rapport à ça, la manière que les Peshmerga respectent pas non plus ces corps-là, on va le voir dans le film, là, mais ils trimballent comme si c'était des carcasses d'animal, là, tu sais. Donc, en même temps, les gens pourraient répondre que c'est la guerre, hein, fait que c'est comme. Ouais, non, c'est ça. aussi. Et donc c'est un film pour montrer justement les dangers que doivent prendre les journalistes. Puis en même temps, je suis un journaliste indépendant, un journaliste à contrat qui travaille pas pour des grandes corporations, qui travaille à contrat pour des corporations. Qui lui-même reste indépendant en étant Lui reste indépendant, ouais. Donc, dans le fond, il magazine ses éditeurs. Puis, qui les magazine, dans le fond, dans le sens de qu'est-ce qu'il veut faire, lui. Ouais. C'est ben assez clair dans le film. Lui choisit qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Il cherche l'argent pour le faire. Tu veux-tu me financer ou pas? Puis ça finit là. C'est ça, j'ai envie de parler du PKK. Il va réadapter son sujet quand il n'y a plus personne qui s'intéresse à son sujet. Comme à un moment donné, il voulait absolument suivre des combattants du PKK, qui est le regroupement kurde plus de gauche, là. Mais il trouvait personne pour pouvoir couvrir ce sujet-là, donc il s'est retrouvé justement au Kurdistan irakien à suivre les Peshmerga à la place, qui sont parce que dans le fond le Kurdistan irakien c'est une espèce d'État semi-indépendant de l'Irak, mais en même temps le Kurdistan irakien ça représente pas l'ensemble, tout le Kurdistan complet. Puis c'est un État qui est en train de devenir un peu néolibéral, c'est la famille Barzani. Ouais, puis il y a des conflits aussi entre comme dans toutes les communautés, entre différentes tendances politiques chez les Kurdes. Ouais. Dont tu parlais des Peshmerga par rapport au PKK. Ouais, eux-mêmes s'entre-déchirent, là. Mm-hmm. Il y avait d'ailleurs écrit un article qui disait la guerre qui unit les Kurdes entre eux, parce que finalement tout le monde s'est mis à unir leurs efforts pour se battre contre l'État islamique, finalement. Donc c'est ça, c'est un film qui rappelle la difficulté des journalistes. Puis c'est un film aussi qui dans le fond ça commence avec en Égypte avec l'après printemps arabe. L'après printemps arabe, et après on suit la guerre à Gaza, après on se retrouve en Turquie. Après, c'est la naissance de l'État islamique, et ensuite, c'est la vague des réfugiés syriens. Donc en c'est même temps, on parle en trois ans, on suit l'éclatement du Moyen-Orient, là, tu sais, les trois dernières années. C'est sûr que tous les pays que vous avez fait, etc., pourraient être une émission d'une heure complète et plus. Ouais. Mais qu'est-ce que tu retiens fondamentalement de ton film? Qu'est-ce que je retiens? À la fois de qu'est-ce que tu as vu par rapport au Moyen-Orient, que ton travail, toi, personnel, comment ça t'a fait évoluer, ce film-là? Moi, j'ai toujours été... ça a permis de voir aussi l'importance de ce que je fais comme travail, dans le fond, comme documentariste. Parce que je me suis rendu compte aussi que faire de la nouvelle, être reporter, ça se fait dans l'urgence. Donc, je me suis rendu compte que Jesse devait écrire un article en 2 jours, 3 jours maximum. Donc, ça se fait très rapidement. Donc, on va visiter les camps de réfugiés en Turquie. On reste une journée. On interviewe à peu près 5-6 personnes. Et ensuite, il s'en va ailleurs tout de suite. Tandis que moi, en tant que documentariste, si j'avais voulu couvrir ce sujet-là, je serais resté peut-être une semaine, 2 semaines à vivre le quotidien de ces gens-là. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que le documentaire permet d'approfondir encore plus le sujet. Puis que souvent, le journaliste, c'est un peu plus en survol, tu sais. Puis en même temps, je me suis rendu compte... Ouais, donc c'est pas mal ça. Donc j'ai une vision du Moyen-Orient, finalement, après ce film-là, qui reste un peu superficielle, finalement. Je suis rentré dans le monde du journalisme, mais j'ai pas passé autant de temps que je pensais avec le peuple du Moyen-Orient, là, tu sais. Parce que c'est toujours juste des questions. Tandis que j'ai beaucoup fait de films en Amérique latine, donc je passais du temps avec les jeunes de la rue. Ouais. Je passais une semaine à dormir dans la rue. Mais là, c'est parce que tu fais pas un film sur le Moyen-Orient, tu fais un film sur Jesse Ravensfield qui fait des reportages sur le Moyen-Orient. Ouais. Donc tu regardes quelqu'un aller qui fait des reportages sur la situation là-bas. Ouais. Donc c'était un peu un film ethnographique sur le monde des reporters. J'ai vu comment ça fonctionnait, cet univers-là. Dans le film aussi, on découvre donc on rentre dans les coulisses de son métier. Donc on voit par exemple l'importance d'avoir des fixeurs. Donc des fois on oublie, mais les reporters, comme Jesse, il parle un petit peu arabe, mais pas beaucoup. Donc il y a toujours avec lui ce qu'on appelle un fixeur. Un fixeur, c'est une espèce de guide interprète. Puis donc c'est un peu le sherpa pour les montagnards, là, tu sais. Donc il y a aussi les journalistes entre eux vont s'échanger des bons fixeurs. Le fixeur il traduit, c'est lui qui te conduit, c'est à lui que tu demandes, ok, cherche une famille de réfugiés syriens dans tel camp de réfugiés dont ils auraient un fils combattant au PKK. Alors le fixeur il va te le trouver, tu sais. Puis le fixeur, il est garant de ta sécurité aussi. Donc c'est une grosse job être fixeur. Puis en temps de guerre, c'est aussi une business là. Il y a beaucoup de jeunes, des jeunes universitaires, qui font ce métier-là. Tu sais, ils gagnent, à peu près entre 150 et 350 dollars US par jour. Donc il y a une espèce de business aussi qui s'établit avec ça. On est sur le point de terminer l'entrevue. Alors s'il y a des choses que tu voudrais dire particulièrement, ça serait le temps. Ben, large comme ça, je sais pas si je peux parler plein de choses, mais... Mais il y a peut-être des choses que tu sens l'urgence, tu dis que tu faisais, c'est un métier d'urgence que tu faisais, alors, en ce moment, quelle urgence ressens-tu? Mais là, il faudrait d'abord que j'invite les gens à aller voir le film aux rencontres du documentaire international de Montréal. Je vous invite à aller sur le site. Et donc, il va y avoir une projection publique le 20 novembre, à 14h, au cinéma du Parc. Et sinon, le film, il fait le festival de clôture des RIDM aussi, qui est la journée d'avant, le 19, mais ça, c'est réservé. Sinon, faut que je remercie aussi mon équipe. Il y a aussi une, tout à l'heure, je parlais de Aube, qui était monteuse, mais on a aussi développé dans le film un générique de début qui s'inspire un peu des génériques comme de téléséries, de films d'espionnage. Puis ce générique-là, on a engagé un réalisateur aussi de générique de début qui l'a fait. Donc, je voudrais remercier Christian Langlois qui a fait parce que dans le fond, le but du film, c'est d'attirer un très très large public. Le film est monté comme un film d'action, puis le générique, justement, c'est un générique de film d'action, alors tout de suite il t'entraîne dans le tourbillon du film. C'est rare qu'on fait ça en documentaire, faire des génériques très graphiques là, ça j'étais content qu'on ait pu faire ça, et donc c'est pas mal ça. Ok, mais c'est ça. Mais en tout cas, moi j'ai vu ce film-là et je l'ai adoré. Et puis je trouve que c'est un film assez fondamental sur qu'est-ce que c'est qu'être un journaliste indépendant aujourd'hui. Ça m'a touché particulièrement en tant que personne qui aussi essaie de faire du journalisme indépendant. Et je dis bien essaie parce que c'est tout un art et que c'est de moins en moins possible avec toutes les boîtes. Et de plus en plus, les journalistes indépendants sont des pigistes comme Jesse Rosenfeld et de moins en moins des indépendants complètement libres. Donc, il y a une contrainte très forte au niveau du marché qui s'exerce constamment et qui, même si tu es le plus indépendant des journalistes, tu as quand même ça à considérer. Puis même Jesse, il l'a dit dans le film, qu'il c'est des choses qu'il doit considérer parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie aussi. Oui. Mais aussi, le film, il va sortir en salle bientôt. Parce que là, il y a comme deux journées pour aller le voir, mais... Oui, c'est ça. Si vous pouvez pas aller le voir là au mois de le 20 novembre, c'est pas grave. Il va jouer en salle de cinéma à partir au mois de mai. Okay. Donc plus il y a de gens qui vont le voir, plus il va s'étirer en salle puis il pourra jouer peut-être pendant un mois. Le titre du film, je le rappelle, c'est ça. C'est Un journaliste au front. Et sinon, je sais pas. Tu peux poser des questions sur. Ouais, ben. Est-ce que tu as le droit de parler du film sur lequel tu travailles en ce moment? Oui, ben justement, quand on est journaliste indépendant, quand on est cinéaste indépendant aussi, il y a un film qui se termine. Puis moi, j'essaie de... Je veux vraiment essayer de pouvoir vivre de réalisation de films. C'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de me lancer. Pendant 15 ans, je faisais des films complètement autofinancés, donc je vivais pas mal... C'était des films que je faisais de manière bénévole. Puis après, je gagnais ma vie peut-être en faisant du montage pour d'autres réalisateurs ou en faisant des corporatifs pour des groupes communautaires et tout ça. Mais donc là, maintenant, j'essaie d'enchaîner sur plusieurs films. Donc là, en ce moment, je suis en train d'essayer de financer un film qui serait sur Natacha Canapé-Fontaine, donc la poète. C'est un peu pour ça que je parlais, parce que ça fait lien aussi avec ce qu'on parlait avant. Oui, exactement. Qui est la résistance autochtone. Pourquoi faire un film sur Natacha Canapé-Fontaine? Donc, je vais faire un peu le même concept qu'avec Jesse, c'est de la suivre sur plusieurs années, sur au moins 2 ans. Puis, Natacha, c'est ça, c'est une poète, c'est une slameuse, elle fait du théâtre, elle se prononce sur énormément d'enjeux sociaux et elle devient de plus en plus connue, elle passe souvent dans les médias. Puis, pour moi, Natacha représente un peu aussi la nouvelle génération, la génération Idle No More. Donc, où est-ce qu'elle s'est pas mal conscientisée politiquement à partir de ce moment-là. Puis, donc, Natacha, c'est une poète engagée dans le sens que Elle fait de la poésie, mais avec une espèce d'objectif aussi de parler contre le racisme, de rappeler aussi la richesse de la culture autochtone. Et donc, en la suivant, je veux... je veux montrer cette réalité-là. Je veux montrer la lutte qu'elle mène, puis on va découvrir la réalité contemporaine de la nouvelle génération d'Autochtones.